histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour. Et quand on est là, tout près de lui, à regarder mourir sa vie. Une histoire d'amour où pour nous deux, le mot toujours semblait trop court. Tu vois pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Non, mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer sur moi. Ne me dis pas adieu, je vais fermer les yeux, bien. Dans tes bras, restons ensemble, serre-moi fort. Tu vois, il me semble que ma vie s'endort. Dis-moi, je t'aime. La vie s'en va, mais notre amour ne finit pas. Une histoire d'amour, ça ne peut pas vraiment mourir en un seul jour. Ne reste pas le cœur en veille à vivre seul. Il te faudra voir d'autres ciels, d'autres soleils.